Février 1680, une femme est brûlée vive sur la place de Grève. C'est la fameuse empoisonneuse, surnommée Lavoisin, qu'on exécute. « Allez tous vous faire foutre !» hurle-t-elle en s'agitant comme une possédée. Découvrez la véritable histoire de l'empoisonneuse du Roi Soleil, racontée avec truculence et verdeur par Isabelle Duquesnoy. Un monde terrifiant, mais bien réel, où se mêlent vie à la cour, exorcisme, meurtre d'enfants et sacrifices. La Chambre des Diablesses, le nouveau roman historique d'Isabelle Duquesnoy, aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Entre boulevard et impasse, l'histoire politique s'écrit-elle dans la rue? C'est une histoire qui commence au champ lexical. Celui de la rue, trottoir, boulevard, ruelle, impasse, faubourg, quai, pavé, avenue. Le champ lexical aussi de la rébellion, du soulèvement, de l'insurrection, de l'émeute, des jacqueries, des mutineries, de la répression et de la grève. À qui appartient la rue? C'est une histoire à chaque coin de rue. Michel Audiard. Je n'ai aucune imagination, moi, finalement. Comment vous considérez-vous comme un styliste de langue populaire avec une voix à accent Un styliste, j'essaie de l'être. Oui. C'est difficile. C'est très difficile de devenir un styliste parce que je ne suis pas spontanément styliste. Moi, mon ce qui révite pour moi, c'est ce que vous venez de dire, le langage populaire. Oui. Ça, c'est le mien. Ça, je peux parler. Le langage, pas l'argot du tout, d'ailleurs, je déteste l'argot, mais le langage de la rue. Qu'est-ce que vous voulez, je le porte en moi. J'ai mon 14e arrondissement qui me colle aux godasses quand même. On me demande rarement où je suis né. Quand je parle, ça, c'est assez évident. Formidable Michel Audiard au micro de Jacques Chancel en 1978. Bonjour Daniel Tartakovsky. Bonjour. Existe-t-il un langage de la rue? Pour l'historienne que vous êtes. Je n'aurais pas forcément parlé de langage de la rue. C'était le langage du Parisien. Et alors effectivement, Paris, la rue, les barricades, tout ça, c'est des termes qui fonctionnent un peu comme des synonymes. Mais il y a des rues et donc des langages. Ah, c'est joliment répondu. Dans la démarche de l'historienne, il y a les sources. Et la question se pose aussi sur les sources spécifiques pour la rue. Y a-t-il des sources qui vous permettent de ressentir ce qui se passe dans la rue? Alors, il se passe des quantités de choses dans la rue, mais pour répondre directement à votre question, il existe des écritures de la rue, c'est-à-dire que la rue, en tant que telle, est une sorte de tableau noir qui nous raconte encore aujourd'hui des événements qu'aucune autre source ne nous aurait livré. Dans l'ouvrage collectif que nous avons réalisé, ma collègue Catherine Saliot, qui est antiquisante, nous parle d'affiches électorales gravées sur les murs de Pompéi. Elle nous parle des textes officiels gravés à Éphèse autour de la place des Conseils. Donc la rue nous parle. François Ier, a régulé les usages des placards, on ne disait pas affiches, dans les rues. Donc la rue nous parle, et il est, à ce titre-là, j'étais un peu dubitative sur la langue de la rue, mais il y a bien des écritures de la rue. Des écritures de la rue qui ne sont pas destinées à être conservées. En soi, il y a deux types de langage de la rue. Il y a cette forme de langage sur les murs, que ce soit des graffitis ou des affiches, vous venez de l'évoquer. Et puis il y a la conversation de la rue. La conversation n'est pas censée rester dans les archives. Là, pour l'historienne, il y a une démarche de recherche fine. Alors bien sûr, l'un de vos collègues me demandait au téléphone il y a 3 jours ou 4 jours maintenant si je pensais, comme tout un chacun, que la manifestation allait être importante. Et je lui disais, écoutez, en montant dans l'autobus, des dames assises en face de moi échangeaient leurs informations sur l'itinéraire. Quand la rue s'empare d'un événement 2 ou 3 jours avant qu'il n'advienne, bien sûr, on sent que quelque chose est en train de monter. Et l'historienne, elle, doit retrouver ces traces-là. Alors, les traces sont difficiles pour ces archives. Elles sont où? Qu'est-ce que vous avez comme élément? Là, il faut toujours, en fait, s'appuyer sur un discours qui, lui, ne vient pas de la rue ou qui vient rarement de la rue. Alors oui et non, donc comme disons qu'à chaud nous avons effectivement le discours de la rue, nous avons quelquefois des traces pompéiennes qui viennent d'un lointain passé, bien évidemment, et pour des raisons qui tiennent à la place politique de la rue dans un pays comme le nôtre, plus importante que dans certains autres, dans nombre d'autres, les archives de police de longue date se sont intéressées à ce qui se passe dans la rue, et donc les archives sont relativement bavardes. Comme le montre Claude Gauvard dans l'ouvrage collectif, les premiers mouvements de la rue, quel que soit le nom qu'on leur donne, naissent à partir de murmures, de rumeurs, pour employer des mots de l'époque médiévale. Et donc, les autorités, dans leurs formes successives, sont très attentives. Et nous avons évidemment retrouvé non pas les écrits, mais des écrits qui nous permettent de le saisir. Cet ouvrage collectif, Histoire de la rue de l'Antiquité à nos jours, que vous avez dirigé, Daniel Tartakovsky, avec Joël Cornette, Emmanuel Furex, Claude Gauvard, Catherine Saliou. Quel était le projet, c'est Talandier qui édite cet ouvrage, parce que c'est un projet d'ampleur. Déjà, l'objet lui-même, étudier la rue, très difficile à définir. Ben oui, nous sommes partis de l'idée qu'il existe quantité d'histoires de la ville, mais que cet élément structurant, et cet élément souvent dérangeant de la ville en tant que telle avait fait l'objet de quantité d'approches de telle ou telle discipline, d'ailleurs davantage pour la période contemporaine que pour les périodes plus reculées, mais que ça méritait peut-être d'y revenir de façon globale. Et comme chacun d'entre nous avait abordé la rue par tel ou tel aspect, ben nous nous sommes mis autour d'une table et nous nous sommes dit que nous allions tenter d'aborder non pas la totalité des aspects, mais l'interaction entre tous ces usages, entre toutes ces modalités, entre toutes ces apparences de la rue. De l'Antiquité à nos jours, est-ce qu'il y a eu des surprises, Daniel Tartakovsky, au moment de ces échanges sur ce qu'est la rue, même la définition de cet objet ? Alors, je botterai en touche lors d'un débat qui a eu lieu à Blois, où nous abordions cette même question à propos de l'ouvrage. Je faisais remarquer qu'au moment du Covid, nous étions tous, dans la période chaude du Covid, nous étions tous derrière nos fenêtres à regarder ce qui ne se passait plus. Et ce qu'il y avait devant nous, c'était bien la rue, en tant que la rue est réseau, en tant que la rue, encore une fois, structure l'espace urbain. Mais est-ce encore la rue lorsque tout a disparu, lorsque la rue ne peut plus remplir ses fonctions de circulation parce qu'il n'y a plus de circulation, qu'il n'y a plus de passants, qu'il n'y a plus de boutiques, qu'il n'y a plus de terrasses, toutes choses que nous avons retrouvées en longue durée, dans des formes évidemment qui évoluaient à l'intérieur de notre étude. Il y a des formes de permanence, en fait, que vous soulignez ici. Une rue sans vie n'est pas une rue, mais l'histoire elle-même est incarnée. C'est une histoire qui traverse les temps, mais dans la discussion qu'il peut y avoir entre la période contemporaine, cette rue du 19e siècle, et on sait combien cette rue des barricades a un aspect politique, et la rue de l'Antiquité, là on trouve aussi des éléments similaires, là où l'histoire politique s'écrit dans la rue. Alors, l'histoire politique s'écrit en longue durée dans la rue. Et évidemment, elle s'écrit dans des formes qui sont indissociables des fonctions institutionnelles et politiques de chacune des périodes considérées. Alors, elle s'écrit sur un double mode. Elle s'écrit d'abord parce que les régimes, les pouvoirs, dans leurs spécificités et dans leurs évolutions, s'inscrivent dans l'espace public, s'inscrivent dans l'espace monumental de la ville, mais cet espace monumental, il borde les rues. Donc, c'est l'espace public, la rue, nous voyons là que nous sommes un petit peu... Il faut que nous réfléchissions à l'usage des mots, mais la notion d'espace public est parfaitement utilisable, parce que s'agissant de l'Antiquité grecque et romaine, la politique se fait dans cet espace public qu'est le forum et l'agora. Et parce que l'on va au forum, on va à l'agora. Il y a donc des déplacements dans l'espace public qui sont producteurs de cette construction politique. Parce que, je le disais il y a un instant, on trouve sur les murs de Pompéi, des affiches, mais des inscriptions de programmes électoraux ou de remerciements à des élus. Alors, bien évidemment, on va le retrouver en longue durée. Joël Cornette, dans l'ouvrage, évoque les places royales et le rôle des places royales dans la mise en scène, dans la mise en forme du pouvoir. Ça n'est pas un simple décor, c'est vraiment une construction et une affirmation politique lourde. Pensons également Emmanuel Furex au marquage marquage républicain de l'espace qui est pratiquement un des premiers actes des républicains victorieux à partir des années 80-90. Mais simultanément, la rue comme espace de contestation, comme espace de combat, comme espace de division, comme espace de tension. Alors Catherine Saliou nous montre que dans l'Antiquité, c'est souvent corrélatif à des périodes de guerre guerre stricto sensu, mais compte tenu de la structure politique des cités, la guerre se déroule dans les rues, et donc Catherine Saliou utilise le terme de guérilla. Alors bien sûr, on va penser ensuite dans des formes de lutte qui nous rapprochent davantage de ce que nous qualifions de politique. 11e, 12e siècle, hein, les révoltes communales pour obtenir des franchises, dont les acteurs ne sont pas ces manants, ces vilains que certains textes des chroniqueurs nous décrivent, mais sont les artisans, sont ce que nous qualifierions de couche moyenne et quelquefois de couche moyenne aisée, qui réclament des droits face au pouvoir seigneurial, avec quelquefois des systèmes d'alliance avec le pouvoir royal complexe. Et puis, dans un pays comme la France, en assez longue durée, des formes de lutte dans l'espace urbain, quelques noms qu'on leur donne, qui ont très vite, de façon ponctuelle, dans un premier temps, une dimension politique. C'est vrai avec les guerres de religion, avec la Saint-Barthélemy, avec le très bel ouvrage de Jérémy Fora, qui nous permet, il existe donc des sources pour répondre à votre question antérieure, et qui lui a permis d'aller très, très au fond de ce qui se passe dans les rues et les phénomènes de voisinage, avec la Fronde. Et puis, bien sûr, une centralité plus forte encore, puisque cette fois-ci, il va s'agir non pas d'intervenir sur telle ou telle forme politique, ou tel acteur politique, ou tel courant religieux, mais de remettre en question, je dirais, sinon l'ordre du monde, en tout cas l'ordre du pays, avec le siècle des révolutions, qui débute avec la Grande Révolution, et qui s'achève avec la Commune de Paris. Et alors, cette longue période, donc 18e, 19e, Mais on pourrait y intégrer, je crois, le Moyen-Âge et la période moderne. J'ai tendance à dire qu'il s'agit de mouvements de la rue. Et je dis souvent que si j'ai à l'écrire, je mettrais volontiers une majuscule. La rue, dans un pays comme le nôtre, s'est affirmée très tôt et à un degré beaucoup plus fort que dans d'autres pays voisins, comme un acteur politique quelque peu fantasmatique. La rue est bien sûr métonymique de mouvements qui sont des mouvements spécifiques à chaque fois, mais la rue, comme acteur fantasmatique de la rue, magnifié par la littérature, Les Misérables, magnifié par la peinture, Delacroix, et ce qui va caractériser un tournant, c'est les années 1880-90, le tournant du siècle, quand ces mouvements de la rue, où la rue est pensée comme un sujet de l'histoire, laissent la place à des mouvements de rue. Et là, je mets une minuscule. La rue comme espace où se déroulent des mouvements qui peuvent avoir une centralité politique, qu'on pense à 1934 ou 68. Parce que cette rue qui vous intéresse et qui nous intéresse, Daniel Tartakovsky, c'est un objet qui traverse le temps, vous l'avez bien dit, qui n'a pas exactement la même définition selon le pouvoir, selon le contexte, c'est complètement évident. Mais vous avez utilisé cette expression d'espace urbain, parce que dans l'espace urbain, il y a des rues, c'est une chose, ce sont des traits, les rues. Et puis à côté de cela, il y a des places, des forums. Mais aujourd'hui, si vous le voulez, cet après-midi, nous allons pendant quelques instants nous promener à Rome, dans le Forum Romanum, Foro Romano, et qui est certainement l'endroit le plus important de Rome, parce qu'il est le berceau de cette ville, et du même coup, à peu près le berceau de la civilisation latine. Donc, voyez-vous, il y a environ 3000 ans, ici, il n'y avait qu'un vaste marécage, un endroit assez nauséabond, dans laquelle les premiers habitants du petit village qui s'était formé avaient l'habitude d'enterrer leurs morts. Et puis, comme c'était une vallée, bien qu'elle fût nauséabonde, les voyageurs, les commerçants y passaient et traversaient le Tibre grâce à l'île Tiberina. Donc il y a 3000 ans, il n'y avait rien, et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Bah des ruines quand même. C'est Pierre Tchernia en 1957 dans l'émission en direct du Forum Romain. Daniel Tartakovsky, cette différence entre la rue et la place est à souligner, parce que vous nous avez bien dit que la place, c'est un lieu où le pouvoir montre son autorité, que ce soit dans l'Antiquité avec le Forum, que ce soit avec les grandes places des temps modernes. La rue et la place, c'est pas la même chose. Là où les Français disent fréquemment descendre dans la rue, les Italiens ont longtemps dit descendre sur la place. sienne comme espace. Et... Non, la rue et la place. La rue est un terme générique que nous aurions pu remplacer par espace public. Et donc, les uns et les autres, nous débattons d'ailleurs des usages d'espace public. Il est toujours intéressant de voir la façon dont les contemporains ont nommé ces réseaux, qui étaient beaucoup plus que des réseaux, qui étaient évidemment structurants de quelque chose d'émergent, à savoir la ville, mais qui, évidemment, ne saurait se résoudre à des réseaux. Non, la rue et la place ne sont évidemment pas les mêmes choses, mais comme vous l'avez dit au début de votre émission, il existe quantité de déclinaisons de ces réseaux. La place est une construction, et la place est une construction monumentale, qui s'accompagne souvent, enfin, qui borde souvent des édifices, qui sont des édifices de souveraineté, je les évoquais rapidement tout à l'heure, qui peut être orné de statues qui sont des statues monumentales. Les rois, enfin, encore une fois, dans les exemples que développe Joël Cornette dans l'ouvrage, nous avons la place est pour une part un théâtre. Et par ailleurs, la rue est l'espace du flux, et le flux nous mène à des espaces plus grands qui peuvent constituer un stock à un moment donné. Et alors c'est vrai, je me souviens avoir eu une discussion avec un préfet qui était alors à la retraite, un préfet de Paris, de police qui était à la retraite, et je lui disais, et c'était avant le réaménagement de la place de la République, et alors je lui disais, mais quand même, Trafalgar Square ou Trepto Park, ça n'existe pas en France, il me disait, pensez-vous. Mais même si on en avait un, ça ne remplacerait rien. Ce qu'ils veulent en France, c'est descendre dans la rue et défiler dans la rue. Alors, c'est vrai que la construction, la reconstruction, le réaménagement, pardon, de la place de la République, où pour la première fois dans le cahier des charges, il était évoqué que les aménageurs, les architectes, devaient prendre en compte le fait que cette place était allée, alors on ne disait pas de manifestation, de grands rassemblements populaires. Ça intègre des manifestations, mais c'est vrai qu'elle a quelque peu modifié ses usages rue, place, une place qui devient un peu une esplanade en même temps. Donc, il y a, nous avons essayé de le montrer dans l'ouvrage, il y a des articulations fortes entre ce que Charles Stillé appellerait le répertoire d'action sous sa forme manifestante, et les mutations urbaines. La prise en compte des usages politiques de la rue, c'est quelque chose qui traverse les siècles. Pour le pouvoir, il y a toujours réflexion sur l'usage politique de la rue. Alors, vous venez de l'évoquer, Daniel Tartakovsky, dans l'idée d'un rassemblement ou d'une manifestation. Mais ça, il y a quelque chose de très contemporain, mais on peut être même beaucoup plus basique. L'aménagement même de la rue, la circulation, l'hygiène, c'est politique aussi. Ah, bien sûr, la construction, enfin l'urbanisme, s'est très vite doté de règlements qui se sont évidemment, qui sont devenus beaucoup plus globaux avec la période haussmannienne. Mais enfin, dès les villes, si nous avons commencé avec l'Antiquité, et dès lors un espace géographique qui était un petit peu en rupture avec l'espace suivant, qui n'est pas exclusivement national, mais qui néanmoins se recentre sur la France, c'est bien parce que la construction, dans l'Antiquité, on fait d'abord le plan de la ville, hein, et le plan, il est fait à partir de quantités de données qui sont toutes les données que vous évoquiez, et donc la politique au sens d'action politique, mais au sens de politique urbaine, politique de la ville, politique d'hygiène, qui sont des préoccupations quasiment constitutives de l'espace urbain et donc de la rue. Mais si vous voulez, si nous avions à préciser les limites de notre champ d'investigation et la tentative que nous avons, qui a été la nôtre, de ne pas basculer vers une histoire urbaine, c'est peut-être la question public-privée. Finalement, la rue, dans toutes les déclinaisons que vous évoquiez, donc dans tous les termes que vous évoquiez, elle nous renvoie à un espace public par définition, avec toutes les contradictions, les tensions qui peuvent surgir de cette mise en commun et en même temps de cette mise en tension, alors que l'habitat, les immeubles, certes, qui bordent la rue, mais une fois passé le mur, une fois passé le seuil, la concierge, comme élément de rupture entre l'un et l'autre, nous les évoquons, nous sommes dans un espace privé et nous abordons des questions d'une autre nature. Une nature d'interface, parce que bien souvent, historiens, historiennes étudient ces lieux de rencontre. On parle du théâtre comme lieu de rencontre, mais en fait, le premier lieu de rencontre entre l'espace privé et public, c'est vraiment ça, c'est le trottoir. Là, c'est un peu violent, là, votre formule, elle pourrait nous amener. Oui, mais c'est la, on va dire la rue. On va d'autant plus dire la rue que nous avons les éditions Talendier qui nous ont fait un superbe ouvrage avec des superbes illustrations. En couverture, nous avons, non pas un trottoir, enfin, nous avons la rue et ce trottoir, et nous voyons sur cette photographie qui est du tout début du XXe siècle, au tournant du siècle, qu'il y a assez peu de différence entre les usages du trottoir et de la rue, et que l'on trouve indifféremment des charrettes, des chevaux, des piétons, tout ça dans la plus grande confusion ou fusion. Dans votre ouvrage, effectivement, il y a ce choix d'une couverture assez forte. Nous sommes en 1911 dans une rue du 9e arrondissement de Paris, la rue Richer. Et dans cette rue, il y a des voitures hippomobiles, des voitures automobiles, bien sûr. Il y a plein de gens. Et une légende a été donnée à cette photo. La rue est à qui veut la prendre. Il y a ça dans votre ouvrage, parce que la rue, dans cet espace public, c'est aussi un lieu d'appropriation par certains. C'est ça l'avantage du public. La rue est à nous, mais qui est nous? La rue est à tous. Mais une fois qu'on a dit ça, ce que nous avons essayé de montrer aussi, dans la longue durée, c'est que si la rue est à tous, et que si la rue est à qui veut la prendre, il y a aussi, en très longue durée, des politiques publiques, qui peuvent être des municipalités, le fait de municipalités ou le fait des pouvoirs centraux, pour cacher ces pauvres qu'on ne saurait voir, cacher ces prostituées qu'on préférait voir ailleurs, cacher, dans la dernière partie, j'ai quelques pages qui s'appellent « Cet islam qu'on ne saurait voir ». Donc, la rue est à qui veut la prendre, mais il y a des politiques pour faire en sorte que certains deviennent des invisibles de la rue. Ouais, c'est cette histoire-là sur le temps long qui est intéressante, parce que cela permet de voir les permanences, de cette histoire de la rue entre le public, le privé. Faut peut-être rappeler, Daniel Tartakovsky, que la création de la rue n'est pas toujours œuvre publique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de privés aussi, et ça depuis l'Antiquité. Bien sûr. Et de ce point de vue-là, nous retrouvons dans ces déclinaisons la rue, enfin, est une voie, et il existe effectivement des voies privées. Il en existera encore jusqu'au tournant du XXe siècle, toute une série de petites rues parisiennes qui portent des noms dont on ignore toujours à qui ils renvoient, et qui sont en fait les lotisseurs, qui étaient les propriétaires de terrain, et qui ont bâti dans de petites rues parisiennes, qu'on pense à la rue des Vignoles, par exemple. Il y a une quantité, notamment dans les arrondissements 12 à 20, dans les communes annexées d'après 64, des voies d'abord privées, et puis qui ensuite sont réintégrées dans l'espace public et réaménagées, parce qu'il y a tous les problèmes de flux qui sont constitutifs de la rue, les égouts, l'électricité, en fait tout ce qui est flux et qui va évidemment se corréler, épouser très strictement l'espace de ces voies qui doivent donc par là même progressivement toutes devenir publiques. Ces voies qui deviennent publiques, même si elles sont nées d'un investissement privé, malgré tout demeurent liées à des identités. Il y a une appropriation. Et on le sent bien, hein. Dire que l'on vient de telle ou telle rue, c'est aussi s'inscrire dans une histoire. Il y a la volonté, et là, est-elle privée, est-elle individuelle, collective, de s'approprier la rue. Une rue plus populaire, une rue commerçante. Je crois que toutes les études de longue durée, je parlais de la Saint-Barthélemy de Jérémy Fouet tout à l'heure, toutes les études ont montré la force durable des quartiers, et les quartiers ils sont évidemment constitués par ces espaces, enfin ils sont structurés comme la ville tout entière, par ces rues, et les phénomènes de sociabilité de rue ou de quartier, dans des périodes de fêtes ou dans des périodes de tension, sont constitutifs d'actions spécifiques et d'identités spécifiques, bien sûr. L'ouvrage de Jérémy Fouin, « Tout ce qui tombe » à propos du massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, qui montre bien cet aspect de voisinage, la rue est aussi le lieu du massacre. La rue, je disais, la rue est un espace de tension et de d'un espace de qui peut devenir un espace de grande violence. Et ça, l'ouvrage n'est pas totalement, il est chronologique, mais il est un peu plus complexe chronologique puisque nous avons essayé de réfléchir à des phénomènes de longue durée en adoptant sur les conseils avisés de Claude Gauvard, la notion de long Moyen-Âge de la rue, ce long Moyen-Âge de la rue nous amenant en fait jusqu'au début du XXe siècle, et puis les évolutions successives. Mais la question de la violence est une question qui apparaît de façon permanente à l'intérieur de l'ouvrage, bien sûr. Dans cette longue histoire pour la rue, il n'y a pas le respect de la chronologie, et c'est tant mieux, tel que nous l'imaginons. Vous venez de citer Claude Gauvard pour la rue médiévale. La rue issue du très long Moyen-Âge, c'est celle que l'on retrouve encore au XIXe siècle en France, dans beaucoup de villes. Oui, c'est pourquoi nous avons parlé de ce long Moyen-Âge, et que ce long Moyen-Âge, évidemment, ne correspond pas dans l'ouvrage au découpage sacro-saint de nos périodes académiques, s'agissant du découpage de l'histoire, bien sûr. La rue apparaît souvent dans les études historiques au moment de cette tension que vous évoquez. C'est vrai que la rue est mise de côté, mais la tension, c'est souvent un temps très court. De l'émeute populaire, du massacre qu'on évoquait à la Saint-Barthélemy. La vie de la rue est une vie du quotidien. C'est ce double lien qui doit se créer sans cesse. C'est en fait une histoire tressée du quotidien, apaisée, pas toujours d'ailleurs, ou parfois de l'émeute. Oui, et c'est pourquoi nous avons été finalement amenés, donc on avait ce plan, l'Antiquité constituait évidemment un objet en soi. Ensuite, nous avons évoqué ce long Moyen-Âge de la rue qui, sur certaines questions, le désordre, la saleté, l'obscurité, les tensions, la peur, les rumeurs, pouvaient nous mener jusqu'au début du XXe siècle. Ensuite, nous avons évoqué toute une série d'éléments rupture qui étaient à la fois des éléments technologiques ou des éléments politiques. Moi, au départ, j'avais proposé de finir avec l'automobile, mais ça aboutissait à traiter l'automobile avant la Révolution française, qui était un peu compliqué pour le lecteur. Mais la question du politique et donc de la violence politique et du rôle politique, quelquefois majeur, central de la rue, elle ne pouvait pas entrer dans ce découpage et donc nous avons consacré une quatrième partie à ces phénomènes de longue durée de la rue comme acteur politique de premier plan parce que c'est encore une fois, c'est pas une exclusivité française, mais c'est une très forte spécificité française. Cette histoire de la rue, vous l'avez déjà évoqué, hein, Daniel Tartakovsky, c'est l'histoire où se diffuse l'information, la critique de manière orale, hein, c'est la parole, la conversation, et puis parfois écrit sur les murs. Alors aujourd'hui encore, bien sûr, des affiches partout, déjà dans l'Antiquité, vous avez cité Pompéi, nous partons à Rome, où les slogans sur les murs de la Rome antique, très bien, encore faut-il maîtriser son latin. Qu'est-ce que tu nous barbouilles là ? Romanes et un domus, des promeneurs nommés Romanes qui vont la maison ? Non, ça veut dire Romain, rentrez chez vous. Mais non, pas du tout. C'est quoi Romain en latin ? Alors, Romanus. Ça se décline comment ? Anus. Le vocatif pluriel de anus, c'est. Ani. Romani. Rentrez chez vous, c'est l'expression d'un mouvement, hein, jeune homme. Datif, monsieur. Non, pas datif, monsieur, non. À l'accusatif, accusatif. Domum, monsieur, ad domum. Excepté que domus se décline aussi au... Au locatif, lequel monsieur. Lequel est... Domum. Domum. Boum. Oh, merci. Monsieur Ave César et tutti quanti, monsieur. Et tutti quanti, un extrait de La vie de Brian, le film des Monty Python en 1980. Ben oui, voilà, Daniel Tartakovsky. Mais là, il y a de cela, dans l'histoire politique de la rue, c'est cette permanence, en fait, de l'utilisation de la rue comme lieu d'expression. Alors là, c'est écrit sur les murs sous forme de graffiti, sous forme d'affiches. C'est peut-être au cœur de cette histoire politique, cette diffusion d'informations. C'est sans doute un des éléments majeurs, en particulier avant le bon, avant l'alphabétisation, parce que il y a, on affiche et donc on a des gravures qui sont des gravures anciennes, qui nous montrent tel ou tel individu devant l'affiche, capable de lire. Traduisant, j'allais dire, mais oui. Bon, en tout cas, lisant à ceux qui l'entourent ce qui est écrit et débattant et des travaux qui ont été menés sur les guerres de religion. Je suis en train d'oublier l'auteur et je m'en excuse auprès d'elle. Au moment des tous les mazarinades, les mazarinades avec l'émergence des placards qui sont à la fois des textes mais aussi l'image dans une période évidemment où l'alphabétisation est encore très limitée et dont qu'on a retrouvé réalisé dans des collèges jésuites qui demandaient aux élèves de réaliser des affiches, des placards, à partir de ces questions qui deviennent très complexes pour nous aujourd'hui à déchiffrer. Si on prend l'émergence de la manifestation à Paris, à une époque où il n'y a pas de droit de manifester, où le terme de manifestation n'est pas un terme employé, le quartier des journaux, les boulevards, sont très tôt des lieux qui sont des lieux de politisation, parce que on vient voir devant les devantures des journaux les unes qui sont affichées, les crieurs de journaux, et là on a énormément de gravures du 19e qui nous montrent ces crieurs de journaux en train de diffuser, et la population qui s'assemble. Il y avait récemment là une exposition de Vambèze au Petit Palais qui montrait bien le rôle des kiosques, le rôle des crieurs comme facteur de cristallisation et à partir de là d'émergence de ce qui va se structurer très progressivement, comme ce que nous appelons la manifestation. Une fois que l'information est diffusée, y a le débat. C'est ça aussi, ce monde de la rue. C'est le lieu de l'échange autour de l'information qui circule. Parfois, c'est la rumeur. L'échange, c'est important. Comment peut-on étudier justement cet échange dans la rue? Parce que là aussi, c'est une histoire qui demande une fine étude. Alors, bien évidemment, les sources diffèrent selon qu'il s'agit de l'époque médiévale, de l'époque moderne ou de la période moderne et contemporaine. Mais ce sont quand même nos collègues médiévistes et modernistes qui ont travaillé les premiers sur ces phénomènes de rumeurs qui, encore une fois, sont évoqués comme cause des mouvements, s'agissant par exemple des révoltes de Flandre dans les écrits qui sont parvenus jusqu'à nous. L'historienne que vous êtes, Daniel Tartakovsky, spécialiste de ces mouvements populaires, pourrait dater le début de cette idée de manifestation. Parce que le mouvement populaire de rue, les gens qui descendent dans la rue, là, on le sent bien dans cette histoire de la rue. Ça, c'est vieux comme le monde. Mais oui, ou ça, en tout cas, sur un vieux. Mais la notion de manifestation, la conscience de dire « nous allons sortir pour manifester notre mécontentement ». Alors, selon moi, là nous avons un vieux débat avec Vincent Robert qui a travaillé sur l'émergence de la manifestation à Lyon au 19e siècle, avec une chronologie lyonnaise qui est plus précoce que la chronologie parisienne, mais pour une part nationale de par la législation. J'ai quand même tendance à penser, il existe des phénomènes que nous pouvons appeler, nous, les historiens ou les sociologues ou les politistes, que nous pouvons appeler manifestations. Les grands enterrements sur lesquels Emmanuel Furex s'est beaucoup revenu et qu'il évoque aussi dans le livre, à l'époque de la Restauration, à l'époque où il n'y a aucune liberté démocratique d'aucune sorte, sont souvent l'occasion de grands rassemblements avec des slogans qui sont criés et des phénomènes qu'il faut bien appeler, que nous pouvons appeler manifestations. Donc laissons peut-être de côté la façon dont nous pouvons trouver des précédents et nous pouvons considérer que certains des mouvements advenus durant la Fronde relèvent de ce que nous appelons manifestation. Mais je pense qu'il y a un tournant majeur qui s'opère après la victoire républicaine, enfin après la construction définitive de la République et après l'adoption des grandes lois démocratiques qui garantissent la liberté d'expression, la liberté de réunion, mais pas la liberté de manifestation. Il faut attendre 1995 pour que par un texte du Conseil d'État, la manifestation soit présentée comme une liberté, je dirais, quasi constitutionnelle. En tout cas, le droit de manifester n'est inscrit dans aucune de nos constitutions. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Je pense que l'émergence de d'organisations, qu'il s'agisse des syndicats postérieurs à la loi de 1884, l'émergence des partis politiques 1901 et ensuite, crée un élément de rupture dans la mesure où les révoltes, tous ces mouvements de l'amont, quelques noms qu'on leur ait donnés, s'inscrivent dans le temps du ici et maintenant. On a faim, on brise la vitre de la boulangerie et on mange le pain. Ou le temps de la Révolution. On prend la Bastille et c'est pas du jour au lendemain, mais on sait ce qui s'en suivit. La manifestation s'inscrit, selon moi, enfin ce que nous appelons la manifestation de type contemporain, naît quand on peut penser le temps du détour nécessaire et possible. On met des forces dans la rue. En sachant bien que la réponse ne sera pas dans la seconde. Il n'y a pas eu de retrait des retraites dès la manifestation du 19, mais je pourrais évidemment trouver des exemples antérieurs. On capitalise pour pouvoir de nouveau se déployer quand le rapport des forces devient favorable. Donc ça s'inscrit dans le temps des stratégies. Et ce qu'il faut constater, c'est que 1884, liberté syndicale. 1875, j'aurais pu commencer par là, réinstauration du suffrage universel masculin, certes. Les acteurs qui manifestent dans la longue durée, il faudrait nuancer pour les périodes les plus contemporaines, mais enfin, je dirais en tout cas jusqu'au tournant de notre siècle, sont précisément ceux des acteurs qui sont dotés du droit de vote et du droit syndical. Donc, ça s'articule avec d'autres modalités d'action. La liberté de manifestation, on peut rappeler combien, à l'échelle de cette histoire de la rue, c'est extrêmement récent pour la France. Le décret-loi, c'est les années 1930. Alors, ça n'est pas le décret-loi, c'est 1935, mais le décret-loi de 1935 n'est en aucune manière un texte de liberté. C'est un texte qui régule les usages de la rue. Nous sommes après 1934, nous sommes après des grèves à Brest et à Toulon qui se sont soldées par mort d'homme. Le décret est un décret qui met en place la notion de déclaration préalable, ce qui ne signifie pas, c'est important parce qu'il y a eu des confusions au moment du Covid entretenues par les pouvoirs publics sur cette question, ce qui ne signifie pas la demande d'autorisation. C'est une obligation de déclaration préalable qui permet la négociation, notamment sur les itinéraires, nous revenons à la rue, et qui par là même permet de construire de co-construire la manifestation, sauf dans des périodes où les choses dérapent pour des raisons qui déborderaient le cadre de cette émission. Dans cette histoire de la rue, la question que nous posions à partir de la couverture de votre ouvrage, cette photo de 1911, Histoire de la rue de l'Antiquité à nos jours, la rue est à qui veut la prendre? Bah oui, à qui appartient la rue? Mais la rue qui est à nous. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Maria, Maria. Non, sauvez au risque de la loi, et la loi qui est dans ça. Crevons la sourde oreille, en avant la musique. Chauffe, chauffe, chauffe le soleil, souffle un vent de panique. Gagnons les causes perdues, déployons notre jeunesse. Sa fougue et son chahut, sa rage et sa tendresse. C'est pas nous qui nous sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non, soyez au que sans la roi, et un roi qui est dans ça. Yeah. Abracadabra, le miracle, on va transformer cette salle en grande scène de spectacle. Mesdames et messieurs, on joue pour vous ce soir. Entrée libre pour tout le monde, chacun aura sa place. Là dans la demi-ronde, sans première ni deuxième classe. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non, soyez au puissant de la loi, et un roi qui est dans ça. Les gosses sur les épaules, les filles par la main. On sera triste, on sera drôle, partager notre chemin. Et vive la bohème, et vive les voyages. Leurs réponses, leurs problèmes, peut-être leur dérapage. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non, soyez au qui sont la roi, et un roi qui est ça. Nous couchons si souvent avec la belle étoile. Son amour est vivant, gonfle notre grande voile. Et grave dans notre voix, l'empreinte des gouttes de pluie. La chaleur et le froid, l'enfer, le paradis. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non, soyez au qui sont la roi, et un roi qui est dans ça. La rue qui est à nous qui chante, la rue qui est à nous dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares et Sam Bakiast. Avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger, l'histoire politique s'écrit-elle dans la rue. Daniel Tartakovsky, nous venons d'entendre des saltimbanques et la rue qui est à nous. C'est un monde très particulier, celui de la rue. Est-ce que la rue fait peur? Ah ben la rue fait peur, bien sûr. En tout cas... Oui, la rue entretient toute une série de fantasmes qui font peur. D'autant que nous avons accordé une place importante dans l'ouvrage à la question de la lumière, ou plutôt de son absence. Donc, la rue, et notamment la rue la nuit, et cette nuit est un phénomène, enfin, cette absence de lumière dans les rues est un phénomène de très longue durée, même si on a... à l'époque moderne, les premiers luminaires, mais à ce moment-là, les premières, avec des candélabres, des bougies dans les rues, qui suscitent une autre peur, la peur des incendies. Par-delà, la rue, qu'il s'agisse de la nuit, mais également dans les coins de rue, ça peut être le jour. C'est un monde souterrain. C'est le monde des truands, c'est le monde des voleurs, c'est le monde de François Villon, si l'on remonte à des périodes très anciennes. Et puis après François Villon, c'est le monde de la Cour des Miracles, Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. C'est le monde des Mystères de Paris, Eugène Sue. Et avec des traces qui demeurent encore aujourd'hui, puisque nous avons à Paris la rue de la Petite et la rue de la Grande Truanderie, hein, qui témoignent d'une histoire ancienne. Et de ce point de vue-là, les noms de rues sont quelque chose de très intéressant, parce que vous parliez des sources tout à l'heure, ces noms de rues qui ont perduré par-delà des usages disparus, nous disent énormément de choses sur ces pratiques sociales de très longue durée, suffisamment longues pour être demeurées sur des plaques de petites rues, parce que les grandes, elles ont été utilisées pour d'autres honneurs. Oui, la rue fait peur. Alors la rue fait peur pour des raisons... je dirais, de sécurité. La rue fait peur pour des raisons politiques, mais nous les avons un petit peu évoquées tout à l'heure. Quand Jean-Pierre Raffarin, en 2003, dit « ce n'est pas la rue qui gouverne », c'est intéressant parce que ça faisait très longtemps qu'on parlait plus de rue, on parlait de manifestation. La rue qui gouverne, que voulait-il dire? Moi, je me rappelle l'avoir entendu à chaud et m'être dit « oh là là, mais il vit très dangereusement », parce que la rue dans ce pays, R majuscule, ça peut faire monter la température, mais en même temps, la rue donc qu'il évoquait de façon tout à fait insolite dans les usages courants de la langue, c'était la rue de Lebon et la rue de Tarde, c'est-à-dire un synonyme de la foule irrationnelle et menaçante. Donc oui, la rue, bien sûr, charrie tous ces fantasmes et toutes ces réalités, pour une part, enfin, j'aurais dû dire les réalités gonflées par les fantasmes, et explique ces phénomènes de mise à l'écart, ou en fait, contribue à expliquer, je ne dis pas à justifier, les phénomènes de mise à l'écart que j'évoquais tout à l'heure. Et la rue fait peur par sa nature même, c'est un axe de déplacement. La rue, c'est ça, à la base, c'est pour se déplacer. Et on peut se faire écraser, oui. Alors, déjà, on peut se faire écraser, vous avez tout à fait raison, par une automobile, un vélo ou une trottinette, mais la rue, par sa nature d'axe de déplacement, pour les possédants, risque de permettre l'arrivée de ceux qui font peur. Et à l'inverse, pour les manifestants, c'est par la rue qu'arrivent les forces de l'ordre. C'est cette nature de déplacement qui fait peur. La notion de barricade, qui est très du 19e siècle, c'est aussi une rupture dans la nature de la rue. C'est qu'il faut empêcher le déplacement à l'intérieur de la rue. Alors, deux choses. Peut-être la barricade est sans doute, je dirais, un des phénomènes de plus longue durée dans ce que nous évoquons dans l'ouvrage, puisque les premières barricades, qui sont d'abord des chaînes tendues, naissent au moment des guerres de religion, puis ensuite des barriques, et c'est l'étymologie du terme barricade, et qu'on va les retrouver dans la longue durée de notre histoire. Alors là encore, j'aurais tendance, il faut éviter, il y a toujours eu, etc., en histoire et en général, la Commune de Paris et l'écrasement de la Commune de Paris constituent une rupture dans la mesure où celle des barricades que nous pourrions évoquer post-1871, j'aurais tendance à dire qu'elles sont des citations de barricades. Mais dans un pays comme le nôtre, des citations de barricades, ça véhicule une histoire et donc c'est un élément qui pèse quand même. Quand on utilise le mot barricade, on ne dit pas n'importe quoi. Quand le Comité parisien de la Libération, en 1944, appelle aux barricades, bon, il s'agit de ralentir l'avancée des chars allemands, mais... Les communistes sont majoritaires au sein du Comité parisien, pèsent un poids important dans le Comité parisien de la Libération, et appeler aux barricades, c'est ressusciter une histoire dont le peuple est acteur, ce qui dans la conjoncture de 44 a évidemment un certain sens. J'ai perdu mon fil, barricade, alors... Étant entendu que il y a un petit peu une contradiction dans les systèmes de représentation et dans les fonctions de la barricade. C'est vrai que je disais, quand on utilise le mot barricade, c'est un peu... on a en tête le de la croix, et donc la marche en avant. Or, la barricade, en longue durée, elle est là pour protéger son territoire. Nous parlions du quartier, nous parlions de chacun sa rue tout à l'heure. La barricade est un lieu pour protéger ce qui apparaît comme un espace légitimement détenu par ceux qui construisent la barricade. Alors c'est très net dans la barricade de 1834 évoquée dans Les Misérables, mais si on se rapproche de la période contemporaine, en 68, quand les étudiants construisent les barricades, c'est pour maintenir leur présence dans un quartier latin dont la police entend les chasser, alors que c'est leur quartier. Donc la barricade n'est pas un élément offensif, c'est un élément de défense. Cette barricade, alors vous venez d'en évoquer deux, celle des Misérables chez Victor Hugo ou celle du quartier latin en 1968. Laquelle est-ce? C'est Victor Hugo. Là, les canons, ils vont donner l'assaut. À la barricade, citoyens! À la barricade! Mes amis, mes frères, la force aveugle qui nous écrase ne viendra pas à bout de notre idéal. Car notre idéal, au-delà de la République, c'est le bonheur des hommes. Citoyens, le 19e siècle est grand, mais le 20e siècle sera heureux. Ceux qui vont mourir ici disparaîtront dans le rayonnement de l'avenir. Nous entrons dans une tombe toute pénétrée d'aurore. Si tous les hommes de la terre le veulent, Dieu les exaucera. Adieu, mes amis. Et vive la République! Un extrait du film Les Misérables de Robert Hossein, avec une vérité, le 19e siècle est grand. Et ça, nous sommes bien d'accord là-dessus. Après que le 20e siècle ait été heureux, ça, on peut en discuter. Daniel Tartakovsky, cette histoire de la rue est une histoire des représentations. La rue n'est pas perçue du tout de la même manière. Évidemment, là où on se place dans la société, pour certains, c'est le lieu de vie, c'est l'identité même. Et pour d'autres, c'est un lieu considéré comme éloigné. Je ne caractériserai en aucune manière notre ouvrage comme un travail sur les représentations. Les représentations sont présentes dans nos analyses, mais nous avons essayé de faire une histoire des pratiques de la rue et de ses usages. Ces pratiques produisant un certain nombre de représentations. Mais ça serait réducteur de le caractériser comme une histoire des représentations. Comment avez-vous travaillé? Alors, il y a Joël Cornette, Emmanuel Furex, Claude Govard, Catherine Saliou, et vous, évidemment, Daniel Tartakovsky, dans ces échanges. C'est-à-dire que nous savons comment fonctionne un ouvrage collectif. Parfois, un plan est fait par le directeur, la directrice de l'ouvrage, et chacun apporte sa contribution. Mais là, j'entends qu'il y a eu beaucoup de discussions. Non, il n'y en a pas eu beaucoup, mais elles ont été efficaces. on a eu deux réunions de travail. Une première, on s'est vu quelques fois, mais une première dans laquelle chacun d'entre nous a expliqué à partir de quelles questions il avait abordé la rue en disant il ne faudrait peut-être pas oublier d'eux. Donc ça nous a donné, on avait un tas d'entrées possibles. Et puis on est rentré chez nous. Et j'ai demandé à chacun, à partir de la discussion, de voir comment il pouvait penser chronologiquement sa partie. Puis nous nous sommes revus une deuxième fois et nous nous sommes aperçus que si jamais nous faisions un plan en cinq parties correspondant aux cinq périodes chronologiques qui étaient les nôtres, nous allions avoir un tas de répétitions. Donc c'est cette question de la répétition qui nous a retenus. Et c'est à ce moment-là que Claude Govard a eu l'idée très structurante pour l'ouvrage du long Moyen-Âge de la rue, à partir duquel les choses se sont inscrite très simplement. Donc j'ai reproposé un plan à tout le monde à partir de cette discussion. Le plan a été avalisé à quelques virgules près. Et le Covid aidant, nous avons chacun travaillé dans notre coin. Et quand nous nous sommes retrouvés, les choses s'articulaient presque parfaitement. Voilà, nous ne soulignerons jamais assez l'aspect structurant de Claude Govard, mais nombreux sont ceux, celles ici, qui lui doivent beaucoup par ses lectures et par son enseignement. Daniel Tartakovsky, Le pouvoir est dans la rue, crise politique et manifestation en France, 19e, 20e siècle, publié chez Champs Histoire. Et puis, évidemment, cette histoire de la rue de l'Antiquité à nos jours. Nous savons la richesse de la démarche qui transcende les périodes historiques, qui permet de regarder ce qui se passe ailleurs. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, historienne du contemporain, de discuter de l'histoire de la rue de l'Antiquité à nos jours? Ben, en fait, il n'y a pas de lien direct, mais il y a quelques années, 7-8 ans, je crois, un certain nombre d'années, Claude Govard et moi avions organisé dans le cadre du comité d'histoire de la ville de Paris qui venait de naître et qui était alors dirigé par Jean Favier, nous avions organisé une première série de conférences au Petit Palais sur la question de... Je ne sais pas si on avait appelé ça les mouvements de la rue ou les manifestations de rue, enfin bref, de la rue politique, en invitant d'autres collègues. Et ça nous avait permis, c'était en lien avec une première exposition qui avait été faite à la demande de Bertrand Delanoë, d'ailleurs sur les manifestations de rue à Paris, dans le cadre du comité d'histoire. Et ça nous avait permis, Claude et moi... De bien réfléchir sur les transversalités, enfin non pas les transversalités, mais les éléments conceptuels que par-delà les ruptures du vocabulaire des acteurs, nous pouvions mobiliser pour travailler sur ces mouvements de la rue au Moyen-Âge ou sur la longue durée. Donc il y avait une vieille réflexion qui nous était commune et qui a sans doute contribué à ce que nous puissions assez rapidement finalement déboucher sur un plan. Et donc, ça n'a fait que conforter le fait qu'il serait dommageable à tout un chacun de s'enfermer dans un cadre chronologique ou